Chapitre 4. Elle commença son récit. Puisque je vais vous raconter l'histoire d'une pauvre fille de la vallée de Montmorency, il serait peut-être convenable de vous faire la description de cette vallée. Mais comme elle est découverte depuis longtemps déjà, et comme les descriptions m'ennuient quand j'en trouve dans certains romans où trop souvent elles ne figurent que pour masquer le vide du récit, je passe cette description et je vous dis tout de suite que notre petite fille est née à Montlignon. Elle était le dernier enfant d'une famille qui en comptait trois. Un garçon, l'aîné, et deux filles. Cette famille était pauvre, très pauvre. Le père était terrassier chez un pépiniériste et la mère travaillait à la terre avec son mari. C'était elle qui mettait dans les rigoles les graines ou les plants que son homme recouvrait à la houe ou au râteau. Notre jeune fille, si nous lui donnions un nom, cela serait plus commode, mais j'ai si peu d'imagination que je n'en trouve pas. Et si nous la baptisions Hortense? C'est cela. Hortense, donc, ne connut pas son père, qui mourut quand elle n'avait que 2 ans. Si la vie avait été difficile quand le père apportait son gain à la maison, elle le fut bien plus encore quand la mère se trouva seule pour travailler et nourrir ses 3 enfants. Plus d'une fois on ne mangea pas, et tous les jours on resta sur son appétit, ce qui, prétendent les gens qui se donnent des indigestions, est excellent pour la santé des autres. Devant cette misère, la mère se remaria, non par amour, mais par spéculation, pour trouver quelqu'un qui l'aidât à nourrir sa famille. Se vendre ainsi sans mariage est une infamie, mais se vendre avec le mariage, c'est tout autre chose. L'homme que la mère d'Hortense avait pris était une sorte de brute, terrassier aussi, et qui n'avait d'autre mérite que de travailler comme deux. C'était justement ce qu'il fallait. Malheureusement, à côté de cette qualité, il y avait un défaut. Il buvait, et l'argent qu'il gagnait s'en allait, pour une bonne part, sur les comptoirs en zinc des marchands de vin. Il ne lâchait son argent à la maison que quand on le lui arrachait. Et pour obtenir cela, les enfants jouaient de bonne foi et avec une terrible conviction, je vous assure, ce qu'on peut appeler le drame de la faim. Quand il rentrait les jours de paye, il l'entourait et se mettait à pleurer en criant « J'ai faim ». Et il criait cela d'autant mieux que c'était vrai. Cependant, Hortense grandit et devint jolie, car ce n'est pas le bien-être qui donne la beauté ni la santé, heureusement. Elle poussa et se développa en liberté, à courir les champs et les bois, se nourrissant surtout de bon air, ce qui, paraît-il, est plus nutritif qu'on ne le croit généralement. Comme elle atteignait ses 9 ans, sans qu'il fût question de l'envoyer à l'école, comme vous le pensez bien, une vieille dame riche, à qui elle portait des fraises des bois dans l'été, et dans l'hiver des branches de houx ou de fragons garnies de leurs fruits rouges, se prit de pitié pour sa gentillesse, et l'envoya dans un couvent à Pontoise, promettant de se charger de son instruction, et plus tard de son avenir. Ce fut le beau temps, le bon temps d'Hortense, qui ne se plaignit pas, comme beaucoup de ses camarades, de la mauvaise nourriture du couvent. Elle ne se plaignit pas davantage du travail, et bien vite elle devint la meilleure élève de sa classe. Mais cette vie heureuse ne pouvait pas durer. La vieille dame riche mourut, sans avoir pensé à Hortense dans son testament. Et comme ses héritiers n'étaient pas disposés à se charger de cette petite fille qu'ils ne connaissaient pas, une des sœurs la ramena chez sa mère à Montlignon. Elle avait alors 13 ans et quelques mois. La question qu'elle se posait en revenant était de savoir à quoi on allait l'employer lorsqu'elle serait rentrée dans la maison maternelle, car une enfance comme celle qu'elle avait eue rend l'esprit pratique et prévoyant. Cette question fut vite résolue. « Te voilà, » dit sa mère en la voyant entrer. « Oui, je viens pour rester avec vous. »« Rester ? Tu n'y penses pas. » Pour que le père fasse de toi ce qu'il a fait de l'aîné, jamais. Tu vas t'en aller, et tout de suite. Où ? N'importe où, fût-ce en enfer, tu serais mieux qu'ici. Sauve-toi, malheureuse. Si une enfant de 13 ans ne comprenait pas toutes ces paroles, elle en comprenait le ton, et sentait bien qu'il était inutile d'insister. Après une assez longue discussion, ou plus justement une longue recherche, il fut décidé qu'elle irait à Paris, demander l'hospitalité à une de ses tantes, fruitière dans le quartier des Invalides. Seulement, comme le prix d'un billet coûte 19 sous d'Hermont à Paris, et qu'il n'y avait que 11 sous à la maison, il fut décidé qu'elle irait prendre le train à Saint-Denis, ce qui ne coûterait que 8 sous. Sa mère l'accompagna, et le billet de chemin de fer prit, elle lui donna les 3 sous qui lui restaient. Ce fut avec ces 3 sous qu'elle entra dans la vie, à 13 ans, après avoir embrassé sa mère qu'elle ne devait pas revoir. Quand elle entra chez sa tante, la fruitière, vous pouvez vous imaginer les hauts cris que celle-ci poussa. Cependant, comme ce n'était point une méchante femme, elle ne la renvoya pas, et 2 jours après, elle l'installa à un des coins de l'esplanade des Invalides, devant une petite table chargée de fruits verts ou à moitié pourris. Vous représentez-vous une jeune fille de 13 ans, jolie, très jolie, disait-on, élevée dans un couvent, instruite jusqu'à un certain point, vendant des pommes à 1 sou le tas aux Invalides et aux gamins de ce quartier. Quelle chute, quelle souffrance! Pendant près de 3 ans, elle vécut de cette misérable existence, dehors par tous les temps, le froid, le chaud, le vent, la pluie. Et cependant ce qu'elle endura physiquement ne fut rien auprès du supplice moral qui lui fut infligé. Pourquoi ne faisait-elle pas autre chose, me direz-vous? Et que vouliez-vous qu'elle fît? Elle n'avait pas de métier, et elle était trop misérable pour se payer un apprentissage, même qu'il ne lui eût rien coûté. De quoi eut-elle vécu pendant le temps de cet apprentissage? Il y a une saison où les pommes manquent. Alors elle vendait des fleurs, et elle quittait les Invalides pour les quartiers où on a de l'argent à dépenser aux superfluités du luxe. Un jour qu'elle se tenait au coin du pont de l'Alma et du cours La Reine, avec un éventaire chargé de violettes pendues à son cou, un phaéton s'arrêta devant elle, et un jeune homme lui demanda un bouquet de 2 sous. Elle le présenta. Le jeune homme la regarda longuement, et lui ayant donné les 2 sous, il continua son chemin. Elle le suivit des yeux jusqu'au moment où il disparut dans la confusion des voitures. Elle le connaissait bien, ce jeune homme, pour le voir souvent passer. C'était le duc de Caramis, célèbre alors par sa grande existence, ses pertes au jeu, ses chevaux, ses maîtresses et ses folies toutes marquées au coin de l'originalité. Le lendemain, Hortense se trouvait à la même place quand le duc s'arrêta devant elle. Mais cette fois, il descendit de voiture et au grand ébahissement des gens qui passaient, il resta à causer avec elle pendant un grand quart d'heure, lui demandant qui elle était et bien surpris de ses réponses. Il revint le lendemain encore, puis le surlendemain, puis pendant toute la semaine, chaque jour à la même heure. Et 15 jours après, il installait Hortense, la pauvre petite fille de la vallée de Montmorency, dans un hôtel de la rue François Ier qui coûtait 10 000 francs de loyer. Elle qui, quelques jours auparavant, n'avait aux pieds que des savates ou des sabots, elle trouvait 6 chevaux dans son écurie. C'est depuis ce jour qu'Hortense, en quelques saisons que ce fût, a toujours eu un bouquet de violettes près d'elle, souvenir des fleurs qu'elle vendait sur le cours La Reine. Disant cela, Cara regarda le bouquet placé sur la table où quelques instants auparavant Léon s'était accoudé. Puis elle continua. Ne blâmez pas la pauvre fille de s'être ainsi jetée dans les bras du duc. Elle n'a pas réfléchi si elle se vendait ou si elle se donnait. Elle était fascinée, éblouie par ce beau jeune homme qu'elle adorait et qu'il aimait. Car il l'aimait passionnément, et la meilleure preuve en est dans ce nom de Cara qu'il lui donna et qu'elle a depuis porté. Elle s'arrêta avec une sorte de confusion, puis se mettant à sourire. « J'aurais voulu garder la forme impersonnelle dans mon récit, dit-elle, mais bien que je me sois coupée, nous la reprendrons, si vous le permettez. » « Je ne puis pas te faire duchesse, ni te donner mon nom, lui dit-il, mais je veux t'en donner une part, et désormais tu t'appelleras Cara. » Ils s'aimèrent pendant 4 ans, et ce fut ainsi qu'Hortense devint à la mode. Était-il possible qu'il en fût autrement pour la maîtresse d'un homme comme le duc, sur qui tout Paris avait les yeux? Le duc, vous devez le savoir, était poitrinaire, et la vie à outrance qu'il menait ruinait sa faible santé. Les choses en vinrent à ce point qu'on lui ordonna le séjour de Madère. Hortense l'y accompagna. Il s'y ennuya et voulut revenir. En bateau, il mourut dans les bras de celle qu'il aimait, et ce fut son cadavre qu'elle ramena à Paris. Elle s'arrêta, la voix voilée par l'émotion, mais après quelques minutes, elle continua. Le duc, par son testament, lui avait laissé une grosse part de ce qui restait de sa fortune. Ce testament fut attaqué par la duchesse de Caramy, remariée à 53 ans avec un jeune homme de 30 ans, et il fut cassé par la justice pour captation. Vous avez dû entendre parler de ce procès, qui a été presque une cause célèbre. Je ne vous en dirai donc rien qu'une seule chose. Il avait, cela se conçoit de reste, appelé l'attention sur Hortense, et si elle avait voulu donner des successeurs au duc, elle n'aurait eu qu'à faire son choix parmi les plus illustres et les plus riches. Mais elle voulait être fidèle au souvenir et au culte de celui qu'elle avait adoré, et dont elle se considérait comme la veuve. Cependant, la misère était devant elle, car ce procès l'avait ruinée, et elle avait une peur effroyable de la misère, la peur de ceux qui l'ont connue dans ce qu'elle a de plus hideux. Parmi ceux qui la pressaient, se trouvait un riche financier, Salzondo, cet Espagnol dont tout Paris a connu la vanité folle et les prétentions, et qui, portant perruque sur une tête nue comme un genou, se faisait chaque matin ostensiblement couper quelques mèches de sa perruque chez le coiffeur le plus en vue du boulevard pour qu'on crût qu'il avait des cheveux. Salzondo ne demandait à sa maîtresse qu'une seule chose, qui était qu'elle fît croire et fît dire qu'il avait une maîtresse, comme ses perruques faisaient croire qu'il avait des cheveux, quand en réalité il n'avait pas plus de maîtresse que de cheveux. Hortense accepta ce marché qui n'était pas bien honorable, j'en conviens, mais qui pour elle valait encore mieux que la misère. Et pendant plusieurs années, le tout Paris, dont se préoccupait tant Salzondo, put croire que celui-ci avait une maîtresse. C'est là un fait bizarre, n'est-ce pas? Et cependant il est rigoureusement vrai. Ces choses-là ne s'inventent pas. Sans répondre, Léon inclina la tête par un mouvement qui pouvait passer pour un acquiescement. Encore un mot, continua Cara, et j'aurai fini. Au bout de quelques années, Hortense se lassa de ce jeu ridicule. Depuis longtemps, elle aspirait à une vie régulière. Sa réputation la suffoquait, et le milieu dans lequel elle brillait lui inspirait le plus profond dégoût. Elle crut avoir trouvé dans un homme intelligent, plein d'ardeur pour le travail, ambitieux, un mari qui lui donnerait dans le monde le rang dont elle ne se croyait pas tout à fait indigne. Elle sacrifia à cet homme la plus grande partie de ce qu'elle possédait, et trop tard elle s'aperçut qu'elle s'était trompée sur lui. De toutes les blessures qui l'ont frappée, celle-là a été la plus douloureuse. Non pas qu'elle aime à cet homme, elle n'a jamais aimé que celui qui est mort dans ses bras, mais elle aimait l'honneur et la dignité de la vie, et c'était sur la main de cet homme qu'elle avait compté pour les atteindre. Voilà l'histoire de la pauvre fille de la vallée de Montmorency. J'ai tenu à vous la dire pour que vous sachiez bien ce qu'est la femme à qui vous avez témoigné tant de bonté. Non Cara, mais Hortense. Disant cela, elle lui tendit la main, et quand il lui eut donné la sienne, elle la serra doucement. « Maintenant, dit-elle, j'ai dans le cœur et dans l'esprit des idées qui m'empêcheront de penser à ces malheureux acrobates. Je vous demande donc de rentrer chez vous. Je ne veux pas vous faire passer la nuit entière. Mais si demain vous pensez encore à moi, et si vous voulez bien venir savoir quel a été l'effet de vos bons soins, je serai ici toute la journée. À demain, alors. » Chapitre 5. Lorsque la porte du vestibule se fut refermée avec un petit bruit sec et qu'il fut dès lors bien certain que Léon sorti ne pouvait pas rentrer, Cara glissa vivement en bas de son lit et en chemise, comme une femme qui ne craint pas le froid, elle se dirigea une bougie à la main vers sa cuisine. Elle ne tremblait plus et elle marchait résolument sans ses hésitations qui l'avaient obligée à s'appuyer sur le bras de Léon. Ayant posé sa bougie sur une table, elle se mit à fureter dans les armoires de la cuisine, ne trouvant pas sans doute ce qu'elle cherchait. Enfin, dans l'une, elle prit une bouteille ou plus justement un litre à moitié rempli d'un gros vin noirâtre, et dans l'autre un croûton de pain qui, placé un peu brusquement sur la table, sonna comme un caillou tant il était dur et sec. Mais elle ne parut pas s'en inquiéter autrement, et prenant un couteau de cuisine, elle parvint à en couper, ou plutôt à en casser un morceau. Alors, versant son vin noir dans un verre, elle s'assit sur le coin de la table, une jambe ballante, et elle trempa son morceau de pain dans ce vin. Évidemment, le tilleul qu'elle avait bu lui avait creusé l'estomac, ou lui avait affadi le cœur. Elle avait besoin de se réconforter. Les infusions calmantes n'étaient pas le remède qui lui convenait présentement. Après ce frugal souper, elle regagna sa chambre. Mais avant de se coucher, elle atteignit un réveil matin dont elle plaça l'aiguille sur 8 heures. Puis, après l'avoir remontée, elle se mit au lit. Et 10 minutes après, elle dormait d'un profond sommeil dont le calme et l'innocence étaient attestés par la régularité de la respiration. Elle dormit ainsi jusqu'au moment où partit la sonnerie du réveil. Alors, sans se frotter les yeux, sans s'étirer les bras, elle sauta à bas de son lit comme une femme de résolution ou d'humeur facile. En un tour de main, elle fut habillée, chaussée, coiffée, et elle sortit. Arrivée rue du Helder, elle monta au second étage d'une maison de bonne apparence et sonna. Un domestique en tablier blanc vint lui ouvrir. « Monsieur Riol. »« Mais monsieur n'est pas visible. » Il n'est pas seul ? Oh, madame, peut-elle penser ? Monsieur travaille ? Alors c'est bien, j'entre. Et sans se laisser barrer le passage, elle se dirigea, par un étroit et sombre passage, vers une petite porte qu'on ne pouvait trouver que quand on la connaissait bien. Elle la poussa et se trouva dans un cabinet de travail, encombré de livres et de paperasses éparpillés partout, sur le tapis et sur les meubles. Devant un bureau, un homme d'une 40aine d'années, à la figure rasée, vêtu d'une robe de chambre qui avait tout l'air d'une robe de moine, travaillait la tête enfoncée dans ses deux mains. Au bruit de la porte, qui d'ailleurs fut bien faible, il ne se dérangea pas, et Cara put arriver jusqu'à lui, glissant sur le tapis, sans qu'il levât la tête. Sans doute il croyait que c'était son valet de chambre. Alors, se penchant sur lui, elle l'embrassa dans le cou. Il fit un saut sur son fauteuil. « Tiens, Cara ! » s'écria-t-il. Elle le menaça du doigt, et se mettant à rire. « Il y a donc d'autres femmes que Cara qui peuvent t'embrasser dans le cou ? Que tu parais surpris que ce soit elle ? Oh, l'infâme ! Es-tu bête ? Merci, mais ce n'est pas pour que tu te mettes en frais de compliments que je suis venue te déranger si matin. Tu viens me demander un conseil ? Tu as deviné, avocat perspicace et malin. Il s'agit d'une question de doctrine ou d'une question de fait ? D'une question de personne. C'est plus délicat alors. Pas pour toi qui connais ton pari financier et commercial sur le bout du doigt et qui devrait faire partie du conseil d'escompte de la Banque de France. Tu me flattes, c'est donc bien grave ? Très grave. Que penses-tu de la maison au Poids d'Aiguillon ? Ah bah, est-ce que le fils... Je te demande ce que tu penses de la maison au Poids d'Aiguillon. Excellente, fortune considérable et solidement établie, à l'abri de tout revers, et j'ajoute, si cela peut t'intéresser, honorabilité parfaite. Ce ne sont pas des phrases de palais que je te demande. Que vaut-elle ? Voilà tout. 8, 10 millions ? Au plus ou au moins ? Au moins. Mais tu comprends qu'il est difficile de préciser. Ton à peu près suffit. 2 enfants, n'est-ce pas ? Un fils et une fille. Celle-ci a épousé le baron Valentin. Un imbécile orgueilleux et avaricieux. Mais cela importe peu. Quelles sont les relations du père et du fils ? Le père est-il un homme dur ? Un vrai commerçant ? Je n'en sais rien, mais on dit que c'est la mère qui est la tête de la maison. Ah, mauvaise affaire. Pourquoi ? Parce que les femmes de commerce n'ont pas le cœur sensible, généralement. Sais-tu si le fils est associé ou intéressé dans la maison ? Et s'il a la signature ? Je suis obligée de te répondre que je n'en sais rien. Je n'ai pas de relation dans la maison. » Elle se renversa dans son fauteuil et jetant sa jambe gauche par-dessus sa jambe droite en haussant les épaules. « Comme on se fait sur les gens des idées que la réalité démolit, » dit-elle. « Ainsi, te voilà, toi. Tu es assurément un des hommes d'affaires les plus habiles de Paris. Ta vie le prouve, car après avoir commencé par être l'avocat des actrices, des cocottes et des comtesses du demi-monde, ce qui, personnellement, avait des agréments, mais ce qui, pécuniairement, ne valait rien, tu es devenu l'avocat, c'est-à-dire le conseil, des gens de la finance et de la spéculation. Au lieu de plaider simplement pour eux comme tes confrères, tu as fait leurs affaires. Tu as été les arranger à Constantinople, à Vienne, à Londres, partout. Il paraît que cela n'est pas permis dans votre corporation. Tu t'es moqué de ce qui était défendu ou permis. Tu as été récompensé de ton courage par la fortune, la grosse fortune que tu es en train d'acquérir. Aujourd'hui, quand on parle de Riol à quelqu'un, on vous répond invariablement « c'est un malin ». Tu as la réputation de connaître ton Paris comme pas un. Eh bien, je viens à toi, et tu me réponds que tu ne peux pas me répondre. Riol se mit à rire de son rire chafouin, en ouvrant largement ses lèvres minces, ce qui découvrit ses dents pointues comme celles d'un chat. « Que tu es bien femme, » dit-il. « Une idée te passe par la cervelle, et tout de suite il faut qu'on la satisfasse. Que ne m'as-tu dit hier qu'il te fallait des renseignements précis sur la maison au Poids d'Aguillon? Tu les aurais aujourd'hui ?»« Hier, je n'y pensais pas. » »« Eh bien, donne-moi jusqu'à ce soir. Je te promets de te les porter précis et circonstanciés, tels que tu les veux, en un mot. »« Ce soir, c'est impossible. » »« Tu es cruelle. J'aime mieux venir les chercher demain matin. » »« Eh bien, soit. » »« Alors adieu, à demain. » »« Déjà ? » ?»« Il faut que je passe chez Horton. » »« Tu es malade ? » « Non, j'ai seulement besoin d'une ordonnance. » Elle s'en alla chez son médecin, auquel elle raconta ce qui lui était arrivé la veille, et qui lui écrivit l'ordonnance qu'elle désirait, c'est-à-dire insignifiante. Puis, avant de rentrer, elle envoya une dépêche à ses gens, à Saint-Germain, pour leur dire de revenir à Paris. Toutes ces précautions prises, elle fit une gracieuse toilette de malade, coiffure aussi simple que possible, peignoir en mousseline blanche, et s'installant dans sa chambre avec une fiole et une tasse près d'elle, elle attendit la visite de Léon. Elle l'attendit toute la journée, et elle se demandait s'il ne viendrait pas, ce qui, à vrai dire, l'étonnait prodigieusement. Lorsqu'à 9 heures du soir, il arriva. Elle avait donné des instructions pour qu'on le reçût, et qu'on ne reçût que lui. Il trouva dans le vestibule une femme de chambre pour le recevoir, lui prendre des mains son pardessus, et le conduire près de Cara. L'appartement n'avait plus le même aspect que la veille. Le salon était éclairé, et les housses qui recouvraient les meubles avaient été enlevées. Cependant, ce n'était pas dans ce salon que se tenait Cara. Elle était dans la chambre où il avait passé une partie de la nuit précédente, allongée sur une chaise longue, pâle et dolente. « Comme vous êtes bon d'avoir pensé à moi, » dit-elle en lui tendant la main, « et que c'est généreux à vous de venir faire visite à une malade chagrine et désagréable. Comment allez-vous? Assez mal, et vous voyez tous les remèdes qu'Ortonne m'ordonne. J'ai fait venir mes domestiques, il ne veut pas que je quitte Paris. Sans faire de médecine, j'ai voulu moi aussi vous apporter mon remède. En venant, j'ai passé par le cirque. Otto n'a rien, et Zabeth en sera quitte pour la peur. Mais vous avez donc toutes les délicatesses du cœur aussi bien que de l'esprit, s'écria-t-elle d'une voix émue. J'envie la femme que vous aimez. Comme elle doit être heureuse. Je n'aime personne. Mais c'est impossible. Une discussion s'engagea sur le point de savoir qui il aimait. Tandis qu'elle suivait son cours, plus ou moins légèrement, plus ou moins spirituellement, dans la chambre de Cara, une autre, d'un genre tout différent, prenait naissance dans le vestibule. Peu de temps après l'arrivée de Léon, le timbre avait retenti et un homme à mine rébarbative s'était présenté. C'était un créancier, l'usurier Carban, que Louise, la femme de chambre, ne connaissait que trop bien. « Je veux voir votre maîtresse, » dit-il. « Je sais qu'elle est revenue. En passant, j'ai aperçu les fenêtres éclairées et je suis montée. » À cela, Louise répondit que sa maîtresse ne pouvait recevoir. Mais Carbon n'était pas homme à se laisser ainsi conduire. Il connaissait la manière d'arriver auprès des débiteurs les plus récalcitrants. « Votre maîtresse se fiche de moi. Je veux la voir et lui dire que si demain je n'ai pas un fort à compte, je la poursuis à outrance et je la fais vendre. » « Je le dirai à madame. Non, pas vous, mais moi, en face. Ça la touchera et ça la fera se remuer. » Il avait élevé la voix. Elle commençait à crier fort lorsque Louise, qui était une fine mouche et qui connaissait toutes les roueries de son métier, se posa le doigt sur les lèvres en faisant signe à Carbon qu'il ne fallait pas parler si haut. « Vous pensez bien que si je ne vous introduis pas auprès de madame, c'est que quelqu'un est avec elle ?»« Eh bien, tant mieux. Si c'est un quelqu'un sérieux, il s'attendrira. »« S'il est sérieux, tenez, jugez-en vous-même. » Et allant au par-dessus de Léon, elle prit dans la poche de côté un petit carnet dont on voyait le coin en argent se détacher sur le noir du drap. Puis, l'ouvrant et tirant une carte qu'elle présenta à Carbon, « Trouvez-vous ce nom-là sérieux ? » dit-elle. « Bigre ! » fit-il en souriant. « Mes compliments à votre maîtresse. » Puis, tout à coup, se ravisant, « Mais alors, pourquoi ne paye-t-il pas ? » ?»« Parce que ça ne fait que commencer. » « Et si ça ne dure pas ?»« Le meilleur moyen que ça ne dure pas, c'est de l'effrayer dès le début. Si cela vous paraît adroit, entrez. » Je me retire de devant la porte. Bon, je repasserai dans 8 jours, ma mignonne. Non plus pour un acompte, mais pour les 27 500 francs qui me sont dus. Capital, intérêt et frais. Et il faudra me payer. Ou bien le lendemain, je commence la danse à boulet rouge. Dites bien cela à votre charmante maîtresse. 8 jours, pas une heure de plus. Et c'est bien assez pour elle. Chapitre 6. Léon ne se contenta pas de cette seule visite à Cara. Après la première, il en fit une seconde. Après la seconde, une troisième. N'était-elle pas justifiée par l'état maladif dans lequel elle se trouvait? Cette chute lui avait réellement causé une violente émotion, et cela était, après tout, bien naturel. Et puis, pourquoi n'aurait-il pas été sincère avec lui-même? Il avait plaisir à la voir. Elle ressemblait si peu aux femmes qu'il avait connues jusqu'à ce jour. Discrète, intelligente, instruite, causant de tout avec à propos et mesure, intarissable sans bavardage futile, ayant beaucoup vu, beaucoup entendu, beaucoup retenu, jugeant bien les hommes et les choses d'une façon amusante, avec malice, sans méchanceté, délicate dans ses goûts, distinguée dans ses manières, c'était à ses yeux une vraie femme du monde, avec laquelle on aurait la liberté de tout dire et de tout risquer, à la seule condition d'y mettre un certain tour. Avec cela mieux que jolie, et faite de la tête aux pieds pour provoquer le désir, mais en le contenant par un air de décence et un charme naturel qui était un aiguillon de plus, et non des moins forts. Chaque fois que Léon la quittait, elle lui disait « à demain », et le lendemain il revenait. Le premier jour il était arrivé à 9 heures, le second à 8 heures et demie, le troisième à 6 heures, le quatrième à 5 heures, et après 2 heures de conversation, qui avaient passé sans qu'il eût conscience du temps, il était resté dîner avec elle, sans façon, en ami, pour continuer leur entretien. Et ce jour-là, il ne s'était retiré qu'à 2 heures du matin. Et alors, marchant par les rues désertes et silencieuses, il s'était dit, très franchement, qu'il éprouvait plus, beaucoup plus que du plaisir à la voir. Depuis la disparition de Madeleine, il avait vécu fort mélancoliquement, ne s'intéressant à rien, et portant partout, un ennui insupportable, aussi bien à lui-même qu'aux autres. Et voilà que pour la première fois depuis cette époque, il retrouvait de l'entrain, de la bonne humeur. Voilà que pour la première fois, le temps passait sans qu'il comptât les heures en bâillant. Qui avait opéré ce miracle ? Cara. Pourquoi ne pousserait-il pas les choses plus loin ? Elles avaient été pour lui si vides, ces journées, si longues, si pénibles, qu'il avait vraiment peur d'en reprendre le cours, ce qui arriverait infailliblement s'il se refusait à ce que Cara les remplît, comme depuis quelques jours elle les remplissait. En réalité, le sentiment qu'il avait éprouvé et qu'il éprouvait toujours pour Madeleine, aussi vif, aussi tendre, n'était point de ceux qui commandent la fidélité. Cara ferait-elle qu'il gardât ce souvenir moins vivace ou moins charmant? Il ne le croyait point. Ah, s'il avait dû revoir Madeleine dans un temps déterminé, la situation serait bien différente. Mais la reverrait-il jamais? De même, cette situation serait toute différente si elle l'avait aimé, comme elle le serait aussi s'il lui avait avoué son amour, et si tous deux avaient échangé un engagement, une promesse, ou tout simplement une espérance. Mais non, les choses entre eux ne s'étaient point passées de cette manière. Il n'y avait eu rien de précis, et il était très possible que Madeleine ne se doutât même pas de l'amour qu'elle l'avait inspiré. Alors s'il se revoyait jamais, ce qui était au moins problématique, dans quelle disposition Madeleine serait-elle à son égard? N'aimerait-elle pas? Ne serait-elle pas mariée? Qui pourrait lui en faire un reproche? Pas lui, assurément, puisqu'il ne lui avait jamais dit qu'il l'aimait et qu'il voulait la prendre pour femme. Raisonnant ainsi, il était arrivé devant sa porte, mais au lieu d'entrer, il continua son chemin sous les arcades sonores de la rue de Rivoli. Paris endormi était désert, et de loin en loin seulement, on rencontrait deux sergents de ville qui faisaient leur ronde, silencieux comme des ombres, et rasant les murs sur lesquels leurs silhouettes se détachaient en noir. Il était arrivé au bout des arcades. Il revint vers sa maison, mais en prenant par la colonnade du Louvre et par les quais. Il avait besoin de marcher et de respirer l'air frais de la rivière. Quel danger une pareille liaison avec Cara pouvait-elle avoir? Aucun. Au moins il n'en voyait pas, car si séduisante que fût Cara, ce n'était pas une femme qui pouvait prendre une trop grande place dans sa vie, malgré toutes ses qualités. Et il les voyait nombreuses. Elle ne serait toujours, elle ne pourrait être jamais que Cara. Cara, oui. Mais Cara charmante avec ce sourire, avec ses yeux profonds qu'il ne pouvait plus oublier depuis qu'il s'était plongé dans les siens. Et à cette pensée, malgré la fraîcheur du matin et le brouillard de la rivière qui le pénétrait, une bouffée de chaleur lui monta à la tête et son cœur battit plus vite. Si l'heure n'avait pas été si avancée, il serait retourné chez elle. Mais déjà l'aube blanchissait les toits du palais Bourbon, et dans les tilleuls de la terrasse du bord de l'eau, on entendait des petits cris d'oiseaux. Ce n'était vraiment pas le moment d'aller sonner à la porte d'une femme endormie depuis 2 heures déjà. Il se dirigea vers la gare de l'Ouest. Là, il prit une voiture et se fit conduire au bois de Boulogne en disant au cocher de le promener n'importe où dans les allées du bois. À 9 heures seulement, il se fit ramener à Paris, boulevard Malesherbes. Cara n'était pas encore levée, bien entendu. Mais Louise ne fit aucune difficulté pour aller la réveiller et lui dire que M. Haupois d'Aguillon l'attendait dans le salon. Moins de 2 minutes après son entrée, Cara le rejoignait, vêtue d'un simple peignoir. « Eh bien, s'écria-t-elle d'une voix tremblante, que se passe-t-il donc ? » Mais il lui montra un visage souriant. Alors elle le regarda curieusement de la tête aux pieds, ne comprenant rien au désordre de sa toilette et à la poussière qui couvrait ses bottines. « D'où venez-vous donc ? » demanda-t-elle. « Du bois de Boulogne, où j'ai passé la nuit. »« Ah, mon Dieu ! Rassurez-vous, il s'agissait seulement d'un examen de conscience, de la mienne, que j'ai fait sérieusement, dans le recueillement et le silence. »« Ah, vous ne me rassurez pas du tout. » C'est la conclusion de cet examen que je viens vous communiquer, si vous voulez bien m'entendre. Et la prenant par la main, il la fit asseoir près de lui, devant lui. Vous êtes trop fine, dit-il, pour n'avoir pas remarqué que je suis partie d'ici hier soir, fort troublée, profondément émue. Ce trouble et cette émotion étaient causés par un sentiment qui a pris naissance dans mon cœur. Avant de m'abandonner à ce sentiment, j'ai voulu sonder sa profondeur et éprouver quelle était sa solidité. Voilà pourquoi j'ai passé la nuit à marcher en m'interrogeant, et ça a été seulement quand j'ai été fixée, bien fixée, que je me suis décidée à venir vous voir, si matin, pour vous dire, que je vous aime. » Il lui tendit la main, mais Cara, au lieu de lui donner la sienne, la porta à son cœur comme si elle venait d'y ressentir une douleur. En même temps, elle regarda Léon avec un sourire plein de tristesse. « J'aurais tant voulu être Hortense pour vous, » dit-elle après un moment de silence, « et n'être que Hortense. Mais hélas, il paraît que cela était impossible, même pour un homme délicat tel que vous, puisque c'est à Cara que vous venez de parler. » Mais, je vous jure, elle ne le laissa pas continuer. « Je ne vous adresse pas de reproches, mon ami. Combien d'autres à votre place seraient venus à moi et m'auraient dit « Vous me plaisez, Cara, combien me demandez-vous par moi pour être ma maîtresse ?»« Vous êtes trop galant homme pour tenir un pareil langage. Vous m'avez parlé d'un sentiment né dans votre cœur et vous m'avez dit que vous m'aimiez. Je suis touchée de vos paroles, mais pour être franche, je dois dire que j'en suis peinée aussi. Il me semble que l'amour ne naît point ainsi. » Et ne s'affirme pas si vite. Le goût peut-être, le caprice peut-être aussi, mais non à coup sûr un sentiment sérieux. » De nouveau, elle le regarda longuement, avec cette expression de tristesse dont il avait déjà été frappé. « Ne croyez pas au moins que je repousse cet amour, dit-elle, ou que je le dédaigne. J'en suis vivement touchée au contraire. J'en suis fière, car je ressens pour vous autant de sympathie que d'estime. Mais depuis le peu de temps que je vous connais, ce sont ces sentiments seuls qui sont nés en moi. D'autres naîtront-ils plus tard? Je ne sais. Cela est possible puisque mon cœur est libre et que de tous les hommes que je connais, vous êtes celui vers qui je me sens la plus tendrement attirée. Mais l'heure n'a pas sonné de mettre ma main dans la vôtre et j'espère que vous m'estimez trop pour me croire capable de dicter à mes lèvres un langage qui ne viendrait pas de mon cœur. À ma place, une coquette vous dirait peut-être qu'elle ne veut pas que vous lui parliez de votre amour. Moi qui ne suis ni coquette ni prude, je vous dis au contraire, parlez-m'en souvent, parlez-m'en toujours. » Puis, s'interrompant pour lui tendre les deux mains, « J'ajoute, faites-vous aimer.